Musique jeudi avec EDS et Simi Minelzi. Gros gros gros bisous à tous. Bienvenue sur FPP 106.3 sur la bande FM francilienne et sur internet au www.rfpp.net. Vous avez rendez-vous comme chaque premier dimanche du mois à 16h avec la nouvelle édition de notre émission mensuelle consacrée aux musiques actuelles de la Caraïbe francophone et créolophone, Conlambi Musique Jeudi. Aujourd'hui au micro c'est LAVWA qui remplace notre animateur phare EDS à qui on envoie une spéciale dédicace. Il est présentement sur scène dans le 95 à Presles en compagnie de son acolyte Alphaz pour représenter le hip-hop créole comme il se doit. Aujourd'hui, on a pour mission de vous proposer une bonne sélection pendant une heure, sélection de nouveautés à découvrir. Là, le morceau qui passe en guise de morceau d'introduction, c'est Mimi Nelzi sur le titre Rete Konsa, produit par le compositeur beatmaker en provenance de Suisse, Anda de Sango. Il a séjourné quelque temps en Guadeloupe, qui lui a donné l'inspiration d'un EP nommé Fifilé, une excursion chill trap et même trap soul qui se nourrit des sonorités des Antilles. On y entend notamment ce mélange improbable entre la voix du chanteur de Zouk Sly et celle du chanteur de Bel Air Edmond Mondésir. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver le morceau de Mimi Nelzi sur le bandcamp du label Boyum Connective. On reste encore en Guadeloupe, on entre cette fois de plein pied dans l'univers Kako, ce style musical endogène de l'archipel Papillon qui fait la synthèse entre rap, dancehall, rocka, zouk et bien d'autres musiques du terroir. On commence par le retour fracassant du principal inspirateur de ce courant Kako, je vais bien sûr nommer Exos Betkakola, accompagné de Manu Dishanko, dit Tismé. Fais ça, n'y a fait. Tchèbe la relève, fou te puisse faire. Arrêtez, penser qu'on les assiste. Semblez tous ceux-là qui veulent résister. Gardez ça, nous n'y analyser ça. Souque les têtes, organiser ça. Râler des amis pour ambiancer ça. Crier la famille pour miser si ça. Mettre vanité en nous en rasier. Garder la vérité en mute en rasier. Apprendre à parler sans nous babier. Fonctionnant sans mèvre ou sans papier. Arrêtez, fais-moi ni comparaison. Parlez fort, les nous raison. s'en foutait de sa bolo coupé, quoi. On nous babat, yeah, on nous. Transformer toute haine nous ni à l'amour. Comment c'est garder qui boule qu'à encaisser l'argent à nous? Comment c'est garder qui bite nous qu'à mettre en vente à nous? Arrêtez quoi, ni un qui la filière touristique, les chaque l'année. Ni un paquet de bac scientifique. Comment c'est produit, j'ai la nous qu'à consommer. Qu'est-ce qu'ils font là, avec Conakry, avec Gogé. Arrêtez quoi, les ni en lumière nous en ouest. Comment c'est vrai, haïtien, Guadeloupe, des frères et saints. Comment c'est apprendre pop, l'histoire en nous? Pas attendre parce qu'on moule, mais que j'ai fait pour nous. Comment c'est pas pour nous à deux business à musique. Pas tomber passé des nouvelles provocations physiques. Et fait travail des mecs et meilleurs qui hier en nous. Pas battre des yeux en nous. PKJT, yeah. Objet yeah. Musical, yo pour que j'éteigne, garde j'en encadre son, qu'on coupe ça, ta fun con, ta prétend, côté site pas ni grand bran, ni qu'abandonne. En déjà qu'à la gueule, vu que ça t'est dit, yo, en une musique assiste, ordinateur, t'as compris, acte, acte, innovateur, si yo pas qu'à jouer, c'est bon signe, qu'on s'y le pâte, garde ça fait, nous j'a fait, pas nous pas bassade, travail la cafette, pape, ouais, nous. Des fois magique, MC qui a découvert dit fait nous j'ai jeté laser, nous maille et velate, show consacré à de gratte, c'est baffé, MVP comme Morgan Carter, chaque chien en ishaï c'est la guerre, ishango pro, flow fichai, un cabolage, un mètre qu'on mette nage, qu'on troisième boîte magique, qu'est connaître mettre number one ta courage, nous qui en l'harmonie, nous en les valets, en harmonie, on manie boula et make, précision professionnelle, précision professionnelle, précision professionnelle, nous là, travail la cafette, papé. Précision professionnelle, précision professionnelle, précision professionnelle, précision professionnelle, l'amour amateur. Nous sommes très contents ici à Conlambi Music Jeudi de voir que cette année, beaucoup d'artistes hip-hop créoles commencent à se réapproprier les rythmes et les sonorités des pays Guadeloupe et Martinique pour proposer de belles alternatives musicales. Donc juste à l'instant, nous étions en compagnie de deux membres éminents du légendaire Karukera Crew de Guadeloupe, Exos Met Kakola en premier avec son titre En Nous, en featuring avec Mano Dishango, annonciateur de l'album solo si longtemps attendu d'Exos. Pour prendre son mal en patience, on peut toujours se consoler avec sa page SoundCloud. Et là, en ce moment même, c'est Mado Dishango avec PPLA sur le projet 4 titres intitulé Kako Technique avec des compositions de Calbas Mas, un nouvel ambassadeur très prometteur du courant Kako. On enchaîne tout de suite avec un autre vétéran du mouvement hip-hop guadeloupéen. J'ai nommé Jean-Luc Poya qui a désormais repris son nom de scène initial, Malkema. Il sera en concert au Maibot du Parc de la Villette le dimanche 25 juin 2017. Hier, il a sorti le clip d'un morceau issu de son projet SOUL Eclectic Music. Il s'agit de On Loop. Je vous invite toutes et tous à aller le regarder sur YouTube. An te just busy on loop. Just busy on loop. An te just busy on loop. An pas busy en l'eau. Yeah, just busy en loup. Just busy en loup. Yeah, on just busy en loup. On pas busy en l'eau. À la base, on t'aimait pas les baillots. Et exprimez-moi. Finalement, fin, pas mal parlé, yo. Passe pas mieux, tu ne sais qui t'es qu'à mal parler, moi. En pas menti, bah, au délai, moi, écris mes collègues. En cavine, koyo. Facebook, si on volait. J'ai violé dans maillot. RIP, empathie. Sympathie, j'apathie. Le bien qu'a vu, le mal qu'a vu, le bien, la vérité qu'a menti. Sincérité qu'a senti, le buzz pas qu'a ressenti. En carré là, avant qu'ait tout sentiment au moins anéanti. Just busy en loup. Just busy en loup. En just busy en loup. Just busy en loup. Just busy en loup. Pas busy en loup. En pas busy en loup. Just busy en loup. On just busy on loop. Just busy on loop. On just busy on loop. On just busy on loop. Just busy on loop. On pas busy on loop. Yeah. On qu'est passé pour être us, mais on bien s'en foutait. C'est vrai en panique pour un buzz, mais qu'à ça qu'à prouver. On qu'a parlé à moi, mais en vrai en blé, yo a prouvé. Mais à qui prie? Mais à qui prie, en séon artiste, en pas on peut en séon t'es just busy on loup. Just busy on loup. Just busy on loup. Just busy on loup. Just busy on loup. On pas yeah. Just busy on loup. On t'es just busy on loup. Yeah. Ôte-moi là, ôte-moi là, viens porte ton secours, ôte-moi là. Toujours à l'écoute de l'émission Colombi Music jeudi, comme chaque premier dimanche du mois, à partir de 16h sur Fréquence Paris Pluriel. À l'instant, c'était Valérie Pradel avec « Au témoin là ». Valérie Pradel du groupe Asweka qui nous gratifie d'un album « À fleur de cas » qui est un bel hommage à la musique racine de Guadeloupe, le gros cas, mais qui met aussi à l'honneur le bel air de Martinique. Pour ce titre « Au témoin là », elle était entourée de deux grands musiciens ambassadeurs du bel air, Hervé Selkal au piano et Boris Reine Adélaïde au tambou bel air. On rappelle le nom de l'album « À fleur de cas » de Valérie Pradel. Allez visiter son site pradelvalérie.wordpress.com. On poursuit notre croisière musicale. C'est l'occasion à présent de faire escale. Nous étions en Guadeloupe. Nous allons maintenant un peu plus au sud de l'Arc Antillais, en Martinique. Nous vous proposons une petite session avec plusieurs artistes martiniquais. On débute avec DJ Nos. J'essaye de donner le meilleur compte sur moi. Décevrai pas les miens, Dieu guide mes pas. J'avoue souvent c'est des carmes, mon sale état me cause du tort, je regrette à mourir. Je ferai pas la place au regret. Y'a pas d'hasard d'à peu près. Viens voir d'un peu plus près, je resterai perplexe. J'ai des idées parvenues. Derrière le microphone, je sens à ma place. Et tous les jours je m'essaye et j'évolue. Prends tes rêves et tes résolutions. T'es le genre d'individu qui veut stopper ma course. Stop, ce n'est qu'une illusion. J'ai pris la peine des illusions. Oh mama, Il s'est passé du temps, petit est devenu grand. Tous ces vices paraissent tentants. Tous ces vices paraissent tentants. Ouais, j'attends plus personne, les potos, ça dure qu'un temps. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je veux réussir, construire, plutôt fuir que de suivre le mouvement. Yeah. Laisse-moi vivre ma vie, j'ai fait un rêve. J'imaginais l'unité en signe de trêve. C'est une maladie, qu'est la haine. Une plaie qui ne cicatrise pas. Je rêve de paradis. Seule la mélodie et ma thérapie. Garde ta jalousie, ça m'atteint pas. À l'improvis, je reviendrai comme un attentat. Yeah, j'ai des idées farfelues. Derrière le microphone, je me sens à ma place. Et tous les jours, je m'essaye et j'évolue. Prends tes rêves et tes résolutions. Où ça fait fuck ma paix. Où ça fait fuck ou pas paix. Carabine. Où ça fait passion coupée. C'est un réel guerrier, un homme vaillant, on y a un regard qu'a foudroyé. Ou c'est un sacré nègre marron, un homme combattant, parole ou forêt, ça désarmé. On n'y a savoir nègre, ou c'est l'histoire nègre, on y faut sa ancêtre nègre. On y faut sa sensoriel, un faux spirituel, et l'amour originel. Fierté, kaba nous force pour lutter. Matinée, ka manche guerrier, en l'eau casseré, pas qu'à mobiliser. Yo pas qu'à manifester, et yo toujours paré pour critiquer. Yo pas sa feuille, et yo paix. Yo peke y feuille, pas yo tout paix. Fok Pape de l'artiste reggae belay Aïssès Majumba. Faites un tour sur sa page SoundCloud. Elle vient de faire paraître également le morceau Aminko. Juste avant, c'était le gagnant d'un concours musical, le Yanda Show Martinique de 2015. Il s'appelle Martin Belloni avec le titre Idée Farfelue. Envie d'ailleurs, c'est le nom de sa mixtape en prévision. Vous en saurez plus sur la chaîne YouTube de Yanda Productions ainsi que sur la page fan de Facebook Martin Belloni. En guise d'ouverture de cette sélection d'artistes martiniquais, vous avez pu entendre DJ Nos et son mashup, son migan, sa mixture de voix. Passant de Siménine Rangon, Eugène Moda, le groupe haïtien Les Loups Noirs et les percussions vocales de Baile Funk, originaire du Brésil. DJ Nos, c'est l'un des membres de Mada House, groupe martiniquais spécialisé dans la musique de club, l'EDM, l'électro. On l'a vu récemment dans la web-série nommée Le Sampleur, proposée par le média indépendant martiniquais RAK, qui consiste à mettre au défi des compositeurs, des beatmakers. On leur présente trois morceaux de musique antillaise à l'aveugle et les beatmakers se doivent de créer un morceau avec ces trois morceaux donc et en 10 minutes, donc limité. DJ Nos s'est brillamment illustré en utilisant un morceau de Gene Mona. On vous invite à y jeter un œil en visitant le site rak.media, RAK Media et les réseaux sociaux. On passe maintenant à T-Flash. Rappeur originaire de Martinique, vétéran du hip-hop Bokai avec son groupe C'est Nous-Mêmes, qui traite d'un épisode tragique de l'histoire guadeloupéenne, mai 67. Alors qu'ici il ne s'agit que d'une grève, née du rêve d'une ville plus prospère. Mais on voit pas ça comme ça dans les hautes sphères. La révolte et le désordre sont à l'ordre du jour. Les militaires attendent l'ordre de tordre le cou de l'indépendantisme guadeloupéen. En éliminant les leaders comme on exécute les mutins. une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Un contingent de parachutistes prêtant des coudes. L'en faut pas plus pour connaître le spectre des képiroules. Traquant des gens comme des bêtes dans les cours, les ruelles. Et les mecs sur ta balle réelle. Mais où est donc passer la presse pendant que les corps disparaissent? Il n'y a plus que l'absence qui paraît. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, aucune enquête officielle. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, aucune enquête officielle. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, aucune enquête officielle. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, 1967. Un siècle après, c'est le même climat que dans les scènes finales du Germinal. Le même récital. Les citoyens et travailleurs ultramarins sont encore considérés comme des quantités négligeables. Sinon, comment expliquer que près d'une centaine de personnes disparaissent de département français sans que l'État n'envisage d'aller voir ce qui s'y trame? Si c'est pas lui l'assassin, hein? Pourtant, les balles fusent et les gens tombent, voilà ce qui se passe. Le traumatisme engendré par l'inexplicable perte d'un proche rend la douleur du deuil interminable et la mémoire un sac de nœuds inextricable. Le tout dans le magnifique paysage de la Guadeloupe, prospère terre de métissage. Un beau poster qui cache une bien moins belle image de la Guadeloupe, prospère terre de métissage. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, aucune enquête officielle. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, aucune enquête officielle. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, aucune enquête officielle. Après mes 67, ni couronne ni obsèque. Après mes 67, 1967. Strike Adi avec le titre Faut pas n'oublie. Strike Adi, le... eh oui, avec un titre surprenant puisqu'il s'exprime en créole réunionnais sur Musique de la Réunion, le Maloya. En effet, Strike Adi, c'est la figure emblématique du reggae dancehall martiniquais. Et maintenant, il réside dans les îles Mascareignes de la Réunion, hein, dans l'océan Indien. Et on va dédicacer ce morceau, justement, à notre ami Papang, le cantor de la Réunion, et à Christopher de Créolophonie. Donc, Strike Adi nous revient avec un album très original, très acoustique, qui s'appelle Cœur de Feu. Nous vous conseillons vivement de vous le procurer. Et donc, on se réjouit toujours de ce type d'interconnexion entre bandes îles créoles, ce qu'on appelle bandes îles créoles, c'est cette créolophonie. Et on a eu un exemple justement avec le rappeur martiniquais T-Flash qui a abordé un sujet de l'histoire de la Guadeloupe, mai 1967, dont on commémore cette année le cinquantenaire. Il y a eu beaucoup de manifestations en Guadeloupe et aussi à Paris la semaine dernière, avec notamment le collectif Dubout pour mai 67. On en profite pour faire un coucou à Tony Mango et Jean-Pierre Chaville et tous les groupes à Pau qui ont participé aux commémorations. On continue notre voyage nord-sud à travers la Caraïbe et on va atterrir sur la terre ferme en Amérique du Sud. La dernière escale, ce sera la Guyane, qui a fait beaucoup parler d'elle en mars-avril dernier, avec ce grand mouvement social historique mené par différents collectifs, les 500 Frères, le collectif Trop Violence, et la délégation Poula Guyane décollée, afin d'exiger de l'État des mesures d'urgence pour la sécurité, la santé, l'éducation et bien d'autres domaines. Après plusieurs semaines de mobilisation, de barrages, un accord a été signé le 21 avril. Reste à savoir quelle suite va être donnée par le nouveau gouvernement en place. Évidemment, le mouvement historique de Guyane a touché toutes les couches de la population guyanaise, toutes les communautés, et la musique n'était pas en reste. Plein d'artistes rap, dancehall, kaseko de Guyane ont contribué à la sensibilisation et du mouvement et ont traduit en mélodies et paroles leurs ressentis sur la situation critique de leur pays. Nous allons donc écouter une série de morceaux de la Guyane. Je vous laisse profiter de tout ça. Tout de suite. Ouais, ouais. Déterminé. Et oui, vous écoutez toujours Colombi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et www.rfpp.net. Émission Colombi. Nous pas ouais ça souvent. Ensemble, on donne mouvement. Pour nous aller devant. Brigade pour nous pays, pour nous la tech qui nous disant. Novembre 96 ans, nous tête, nous kawé plus grand. Nous ré les blouk blouk, ça finit. La Guyane pas pris. Et nous la doubout qui soleil, qui en bas la pli. Vert jaune, étoile rouge, couleur nous capoter. Nous gangan qui nous timoun, pour la Guyane décoller. 500 frères devant la Guyane levée. 5000 frères encore la Guyane levée. 50 000 frères qui sont ensemble, nous qui plus fort que 300 000 derrière la Guyane levée. La Guyane levée, nous déterminer. La Guyane levée, la Guyane levée, la Guyane levée, nous déterminer. La Guyane levée, nous piquer tout n'est en rang. Nous cabaret en point, nous qui goumen. Goumet en grand, opération coup de poing. Une seule famille, quand des cousins. L'homme est en dans la main. D'où bout de nuit, quand la journée. Nous vini pour gagner. Sasuma ke a dit nous aïe qui dit nous foncer. Kajouba teke nous les freinés, nous passe nous foncer. Volons nous qui le foncier. La pote nous qui défoncé. Nous pas qu'à Harry encore à pousser à nous sourcils foncés. Nous pas qu'à faire cadeau. Pas qu'à sourire, pas qu'à bégayer. Pas qu'à tourner nous dos. Pas qu'à courir, pas qu'à pagayer. Moun mon pays, y'en a d'accord. Nous qu'à tacler, à tout nous plaisir. Bye qu'à l'autre fort, nous qu'à claquer. 500 frères devant la Guyane levée. 5000 frères encore la Guyane levée. 50 000 frères qui sont ensemble, nous qui plus fort que 300 000 derrière la Guyane levée. La Guyane fait nous déterminer. La Guyane fait, la Guyane fait, la Guyane fait nous déterminer. La Guyane fait. Nous péquer tout nain en rang. Nous cabaret en point, nous qu'est goumin, goumin en grand. Opération coup de poing, une seule famille, quand des cousins, l'en met en dans la main, d'où bout de l'ennui, quand la journée, nous vini pour gagner. 500 frères devant la Guyane levée, 5000 frères entre la Guyane levée, 50 000 frères qui sont ensemble, nous qui puis faut qu'il 300 000 derrière la Guyane levée, la Guyane levée, nous déterminer, la Guyane levée, la Guyane levée, la Guyane levée, nous déterminer, la Guyane levée. J'ai de la moukraine, ok. Rivé. Peuple la Guyane levé. Rivé. Nous, ça des Guyanais, nous fiers dit ça nous y est. Même si bien brigade, nous savent nous qualité. Nous menons toute brigade, tout combat pour nos droits. Pour demain, plus une plus belle pour nous l'idée. Nous ça des Guyanais, nous fiers dit ça nous y est. Même si bien brigade, nous savent nous qualité. Nous menons toute brigade, tout combat pour nous droits. Pour demain, plus une plus belle pour nous l'idée. Violence qu'a fait qui nous qu'a ouais rouge. Insécurité qu'a mène un enfant toute couche. L'État pas qu'a fait en rien pour nous donc on se bouge. Est-ce qu'il est qui nous rédit en bas sa louche. Manifestation pacifique. Fouillez savent qui nous banquait ça. Fouillez savent qui maintenant ça cassifie. Y'a une patche qui m'a déjà. Même si je de la sapé atteindre nous physique. Nous pique besoin physique. Nous ça des Guyanais, nous fiers de ça nous y est. Même si qu'un brigade nous a nous qualité. Nous mêlons toute brigade, tout combat pour nous droit. Nous dîmes un peu vite plus belle pour nous lutter. Nous ça des Guyanais, nous fiers de ça nous y est. Même si qu'un brigade nous a nous qualité. Nous mêlons toute brigade, tout combat pour nous droit. Fusée piqué décollé si nous carrêter à terre. Topé mon enfant l'hôpital pour une mal tête. Papa les maudits l'amour, gain trop pour qui j'ai en bas la tête. Plus j'ai mettre cagoule, passe, nous manquer ça. Ministre qui a milité, qui a remplacé lui qui pas capable à prendre responsabilité. Ministre qui a vini, qui est plein de discours, en y est, j'ai le déclaration, y est qu'à faire pour l'oublier. Nous ça des timoun esclaves, au fond de colonie, mettez au fond vieux calme. T'amènes nous en bateau, pas des partages et gâteaux. A nous l'or, y'a qu'à prendre pour mettre en y'a plateau. Nous ça des Guyanais, nous fiers d'y saluer. Même si qu'un brigade nous a nous qualité. Nous mêlons toute brigade, tout combat pour nous droit. Pour dire un peu vite plus belle pour nous lutter. Nous ça des Guyanais, nous fiers d'y saluer. Même si qu'un brigade nous a nous qualité. Nous mêlons toute brigade, tout combat pour nous droit. Yo, 28 mars 2017, peuple la Guyane Dubout contre seul monde. T'ra suivre. Oi, oi, we are soldiers, we are soldiers. Moule ouais tout drapeau en l'air, drapeau en l'air. Pays à calever, Dieu faut bailer, bailer. Si elle va faire une bête, nous pas l'étendre rien. Mande mouche castor, que mouche kataye, si elle était cabate. La Guyane faut nous faire, nous pas la guerre, rien nous pas abate. Mande mouche castor, que mouche kataye, si elle était cabate. La Guyane faut nous faire, nous pas la guerre, rien nous pas abate. Bon, ouais, la Guyane c'est pour que la population d'ailleurs. Et là, pas que fuck, non, pas que balde. Non, à charge, quand on aussi n'a marié les castors. sans faillir payer pour nos grammes lorsque semeux. Il t'a goûté pour mes aînés comme un nain. Bate qu'a fait concertin et lui qui qu'a promené. Tribulation que la justice. 1996, rest in peace. Mouché ta star. T'es mouché qu'a taillé si t'es cabaté. La Guyane faut nous faire. Nous pas à la guerre, rien nous pas à battre. Mandez mouché qu'a star. T'es mouché qu'a taillé si t'es cabaté. La Guyane faut nous faire. Nous pas à la guerre, rien nous pas à battre. Ouais, nous pays soudés, ça a fait nous plaisir. Regardez depuis combien l'on est nous l'a caressé. Guyane est mobilisé par battre. Fait trembler l'Elysée pour nos côtés vignes meilleurs. Monsieur a mouché qu'a taillé t'es qu'on t'en nous levé. Autonomie de gestion, ouais il en a rêvé. 1962, bête à Kamiske. Missé qu'à rentrer au pays, mais ça t'est risqué. C'est peut-être la dernière fois que j'interviens dans cette assemblée. Je veux défendre la cause de mes compatriotes. La Guyane faut nous faire. Nous pas à la guerre, rien nous pas à battre. Mandez mouché castor. T'es mouché kataye si t'es kabate. La Guyane faut nous faire. Nous pas à la guerre, rien nous pas à battre. Et ça fait qu'il n'est fort, pas qu'à marron encore. Nous prenons position, nous affaire que nous tchons. Dégardez nos drapeaux, ça y est les deux corps. Gardez drait la roue, pas que guépisé encore. Las volons nous, laissez-nous faire nos choix. La Guyane gagne richesse, nous gagne l'or, nous gagne bois. Ouais, nous gagne toutes bêtes pour y faire, mais sotte qu'à dévaliser. Fren, bête, sotte peut pas rivaliser. Mon démouché castor. T'es mouché kataye, si y'a t'es kabate. La Guyane faut nous faire. Nous pas à la guerre, rien nous pas à battre. Mon démouché castor. T'es mouché kataye, si y'a t'es kabate. La Guyane faut nous faire. Nous pas à la guerre, rien nous pas à battre. Je veux solliciter de vous une aide afin de faire cesser une situation dramatique et éviter de nouveaux déboires en Guyane. D'ailleurs, je m'étais déjà adressé à vous pour réclamer votre aide. Et au même moment, alors que je m'adressais à cette tribune, le sang coulait en Guyane. That was a long time, y'a bluff, no. Yo, Mika, de toutes ces mounas qui ont levé depuis le début de sa manifestation, ça m'y a assez. Ça fait mon plaisir parce que nous, en 5 à garder nous la roya avec les moyens nous fous. C'est pas la guerre, rien. Alors, il faudra créer un front citoyen, mais nous sommes là. La tension est palpable, vous savez comme moi-même. Mais je sais que tout le monde en a marre, bien marre. Je peux que parler pour moi. Je sais pas dans quel état sont les autres. Plus aucune foi en la justice, d'où les raisons de ma colère. Elle n'engage que ceux qui y croient toutes vos putains de promesses. On ne récolte que ce que l'on sème, l'état français s'est planté. Ça sent vraiment pas bon maintenant, voici le plan B. 500, vu que la loi est contre nous, on va faire 100. 500, trop longtemps qu'ils se lavent les mains dans un pinceau. 500, on te prend la vie pour moins qu'un billet de 500. 500. Toute cette violence est gratuite, qu'elle vous coûte cher. Sur la gâchette tu appuies, éclat de gouttière. Et des mamans qui prient leur enfant sous terre. Tu peux vendre la vie d'autrui, mais tout se paye. Plus le temps passe, plus j'observe que ça dégénère. J'suis dans le vif du sujet, comme j'ai les nerfs. En ce moment j'hésite, qu'est-ce que je dois faire? Investir dans un fusil à pompe ou dans des pompes funèbres? Tu rêves d'évasion, comme un évadé du fisc. Au nom du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Arracher la vie comme arracher des chaînes. La loi du talion appliquée m'arrache des chaînes. J'ai la haine de Mathieu Kassovitz. La peine d'une mère qui tient dans les bras son fils. On se demande à quoi sert la police. Tendre la joue n'a pas servi au Christ. 500, vu que la loi est contre nous, on va faire 100. 500, trop longtemps qu'ils se lavent les mains dans un pinceau. 500, urgence glaciale, je peux pas rester impartial. Esprit mafia, la peur va changer de corps. J'en mets les mains des voleurs à couper de charia. Bien sûr c'est trop facile, arme, drogue, argent facile. À la belle vie tu aspires les balles, tu les gaspilles. Pour un oui, pour un non, du plomb dans la poitrine. On prendra les armes, citoyens, enfants de la patrie. Qui veut la paix, prépare une armée. Personne n'est à l'abri, les gens sont alarmés. L'enfer est dans mon paradis, chaque semaine à m'accaper. On tient à la vie comme le savoir est une arme. J'ai sorti ma carabine, je n'ai plus d'empathie. Ma tolérance est à zéro. Le sang coule dans nos rues comme alcool dans un apéro. Tu t'en fous, tu shootes le premier qui joue au héros. Mais la roue tourne bientôt, les compteurs sont remis à zéro. 500, vu que la loi est contre nous, on va faire 100. 500, hey. 500, we are soldiers. Y'a du mot qui a 500 frères. Bah ouais, tu payes à partir en tout sens. Chasse un descendant, yeah. M'entendez qu'il y a 500 frères qui descendent en fortune l'arigarienne pour militer. Du mot qu'il y a 500 frères que l'incorp nous élu pour y prendre responsabilité. M'entendez qu'il y a 500 frères qui descendent en fortune l'arigarienne pour militer. Pour les ouais plus qu'il y a 500 frères. A vous ça qui m'a qu'à poser ça là sans m'ont hésité. M'a qu'à tenter m'a qu'à ouais mon frère qu'à lever. Bah ouais tu peux y arrêter y'a fond ouais l'élé. En tant qu'artiste c'est normal qu'il m'a relé. Mais pas boucher m'a ouais fait qu'on s'y qui m'a pas mêlé. Y'a qu'à braquer mon y'a raté d'y'a ça. Aïe qui badman promet au jol d'y'a ça. Couille n'a qu'est fini mais c'est veillé ça. Sa vaisselle bête à pas nous qu'est veillé ça. M'entendez qu'il y a 500 frères qui descendent au fort il arricarienne pour militer. Dis-moi qu'il y a 500 frères que l'incorp nous élu pour y'a prendre responsabilité. M'entendez qu'il y a 500 frères qui descendent au fort il arricarienne pour militer. Pour les ouais plus qu'il y a 500 frères. A vous ça qui m'a posé ça là sans m'ont hésité. Hey, nous manquons la violence, nous t'es déjà disordre. Quand ces autres pas qu'à ouais, qui paye en désordre. A nous frais que nous sortons, autres qu'à check les autres volés. T'as autres qui méritent fucking volés. Mais nous pas qui répandent, nous qui fait nos bêtes carrées. Sans que sans qu'est tombé, l'on nous tous qui parait. Toutes soit des en bad boy qui fin marée. Hey, m'entendez qu'il y a 500 frères qui descendent au fort il arricarienne pour militer. Dis-moi qu'il y a 500 frères que l'incorp nous élu pour y prendre responsabilité. M'entendez qu'il y a 500 frères qui descendent au fort il arricarienne pour militer. Pour les ouais plus qu'il y a 500 frères. A vous ça qui m'a posé ça là sans m'ont hésité. Hey, nous pas qu'à parler y'a les personnes. La nous mobiliser pour nous briga pour nous belles petits côtés. On nous baille, nous colle en main. Pour nous avenir, mi-homme, nous manque là. Violence, car on va y nous pays, faut nous respecter. Nous corps, nous besoin ça en nous, la vie, faut nous arrêter. Papa cassé, bien. Yeah. Gilles avec le titre La Guyane Levée, c'était notre escale guyanaise avec une sélection de morceaux autour du mouvement de grève générale qui a eu lieu en mars-avril dans le territoire amazonien. On a écouté JDF avec le titre Déterminé. On a écouté deux titres de Da Singa avec Briga et 500 frais. On a écouté Wildy avec son titre 500 aussi en référence au collectif Les 500 Frères, initiateur du mouvement. On a entendu Mista Chab à le titre Guyane. Et pour terminer, donc, c'était La Guyane Levée de Gilles. Morceau avec des accents de Kaseko, voilà. Donc c'était la dernière édition de Conlambi Music Jeudi pour cette saison. On se retrouvera le premier dimanche du mois de septembre. D'ici là, prenez le temps d'aller sur les différents réseaux sociaux des artistes que l'on vous a diffusés. Ils le méritent vraiment et ça vous fera une excellente bande sonore pour vos vacances. On se dit très bien, à très bientôt. Restez branchés sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, sur la bande FM francilienne et sur internet au www.rfpp.net. On vous laisse en compagnie de Conlambi Haïti qui fait suite à cette émission, première partie de Conlambi consacrée à la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. À bientôt et prenez soin de vous. Merci.